La canne de Monsieur Balzac, de Madame Émile Girardin, cinquième partie. Chapitre 18. Une soirée poétique. Un soir qu'il ne pleuvait pas, Tancrède errait dans les rues de Paris, ne sachant à quel théâtre se vouer. Au vaudeville, on donnait la Croix d'Or. Aux variétés, on jouait la Croix d'Or. Au théâtre du Palais-Royal, on représentait la Croix d'Or. Toujours la Croix d'Or. Laquelle choisir? L'embarras était grand. Si chacun de ces théâtres avait donné une pièce différente, Tancrède aurait pu se décider. Mais le même sujet partout. Il aurait fallu être un vieux coureur de spectacle pour savoir au juste celui qu'on devait préférer. Tancrède, cheminant sur le boulevard, aperçut au coin de la rue Tête-Boue une espèce de file de voitures. « Est-ce qu'il y a un théâtre par là ?» se dit-il, et machinalement, il dirigea ses pas du côté que suivait la file. Les voitures avaient toutes des armes peintes sur leurs panneaux. Les chevaux étaient mélancoliques, les cochers misérables. Mais en revanche, les valets de pied étaient bien tenus et sentait la bonne maison. De temps en temps, des femmes vieilles ou jeunes montraient un turban, un bonnet, et c'était plaisir que de voir leur mauvaise humeur. Tout à coup, la glace d'une de ces voitures s'abaisse. Un jeune homme passe, sa tête blonde. « Qu'est-ce donc ? » dit-il. « Pourquoi n'avançons-nous pas ? » ?»« Monsieur, c'est la file. » « Comment, nous sommes à la file ?»« Assez charmant, » s'écria-t-il. « Madame de D, qui m'écrit, « Venez, nous serons entre nous, je n'ai invité personne, c'est une petite soirée sans façon. » Et puis voilà qu'elle a rassemblé tout Paris. « Elle ne pouvait faire autrement, » dit une autre voix qui sortait du fond de la même voiture. « Tout le monde voulait entendre les vers de Lamartine. » Et Madame de D se serait brouillé avec tous ses amis. Ah, pensa Tancrède. Il paraît que ces messieurs vont à une soirée littéraire. Et mais, moi aussi, je serais curieux d'entendre des vers de Lamartine. Pourquoi ne me donnerais-je pas aussi ce plaisir-là? La canne me doit une réparation. Et Tancrède fit passer la canne dans sa main gauche. La voiture des deux jeunes gens s'arrêta devant la porte d'un joli petit hôtel de la rue Saint-Georges. Et les deux superbes dandys entrèrent dans l'antichambre, sans se douter qu'ils étaient trois. Ils quittèrent leur manteau. Tancrède, étourdiment, allait faire comme eux, mais heureusement il se rappela que ce soin était inutile. Il garda sa grosse redingote de voyage et remit sur sa tête son chapeau que, par une routine de politesse, il avait ôté en entrant. Les deux battants de la porte du salon s'ouvrirent, et Tancrède passa bien vite, le premier. Pendant qu'on annonçait les nouveaux venus, occupés à rétablir un aimable désordre dans les boucles de leurs cheveux. Tancrède commençait à s'accoutumer à être invisible. Cependant, ce jour-là, pour lui-même, il se sentait gêné de se trouver ainsi mal vêtu, avec des bottes crottées, une redingote du matin, dans un salon fleuri, doré, parfumé, barré des femmes les plus élégantes de Paris. Une grande crainte s'empara de lui. « Si par mégarde, pensa-t-il, j'allais prendre ma canne de la main droite, si l'on allait me voir, que deviendrais-je ? » Il en frémit. Il éprouva tant de honte qu'il se hâta de passer dans un autre salon, moins riche, moins éclairé que le précédent, et qui était plus en harmonie avec son costume et ses pensées. Tancrède était timide et embarrassé de lui, comme si on l'avait pu voir. Il ne fut pas encore à son aise dans ce second salon. Il y avait trop de monde. Il se réfugia dans un troisième beaucoup plus petit, où il n'y avait personne, et alla s'établir devant une table couverte de livres, de journaux, d'albums, pour se donner une contenance. « Comment trouvez-vous cela ? Un homme invisible qui sent le besoin de se donner une contenance. Cela prouve que le monde agit toujours sur nous, alors même que nous sommes le plus indépendants de lui. Cela nous prouve aussi que chacun de nos avantages est une science et qu'il faut encore de l'étude pour en tirer parti. Un sourd-muet guéri ne sait point parler. Il faut qu'il apprenne à prononcer les mots pendant des années. Un homme enrichi ne sait pas dépenser. De même, un homme invisible a besoin d'expérience et d'études pour comprendre qu'on ne le voit pas et tourner à son profit cet incalculable avantage. Sinon, ce ne sera pour lui qu'un embarras de plus. Tancrède s'amusa donc à regarder les albums, sans songer que ce n'était pas pour cela qu'il était venu en fraude dans ce salon. Tous les grands noms de la peinture légère rayonnaient parmi ses dessins. Il y avait des fleurs de Redouté, des chevaux de Karl Vernet, des bédouins d'Horace, de charmantes aquarelles de Cicéry, ces petits paysages qui ont tant d'espace, qui font voir si loin et rêver si longtemps, de ravissantes espagnoles de Géniol, des caricatures de Granville et d'Henri Monnier, de beaux brigands de Schnetz, tous chefs-d'œuvre au petit pied. En jouant avec les divers papiers qui étaient sur la table, Tancrède aperçut une lettre entr'ouverte dont la signature le fit tressaillir. Chateaubriand. Cette lettre, par laquelle M. de Chateaubriand s'excusait de ne pouvoir venir à cette soirée, avait été certainement oubliée là, exprès, et laissée sur la table avec intention. La maîtresse de la maison comptait évidemment sur les indiscrets. Tancrède réalisa ses vues et lut avec curiosité la lettre suivante. Je n'ai jamais été si tenté de ma vie. Conjurer d'une manière si aimable une vieille bête comme moi. J'ai besoin de mes 40 ans de vertu pour résister à cette double attaque de votre beauté et de votre esprit. Encore Dieu sait comme je m'en tire, hélas. Je ne sors point, je ne sors plus, je ne vis plus. Si je dure jusqu'à l'hiver prochain, je compte déposer mes 3 cheveux gris sur l'autel des parcs, afin qu'elle ne se donne pas la peine de les couper, et je prendrai mon rang parmi les plus anciennes perruques de votre connaissance. Que votre jeunesse ait pitié de mes catarrhes, rhumes, rhumatismes, gouttes et autres. En me privant du bonheur de vous voir et de vous entendre, je suis plus malheureux que coupable. Chateaubriand. Cette gaieté, cette coquetterie, cette prétention à la vieillesse dans un homme encore si jeune, cette plaisanterie encore poétique dite par un génie si imposant, avait quelque chose d'original qui charma Tancrède. Quoi de plus séduisant que la grâce unie à la force? Connaissez-vous rien de plus joli qu'un soldat jouant avec un enfant? Tancrède trouva ce billet si gracieux qu'il s'amusa à le copier au crayon. C'était une infidélité, c'était un crime. Mais à quoi bon être invisible si ce n'est pour être indiscret? Comme M. de Rimont était occupé à l'exécution de son crime, plusieurs personnes entrèrent dans le salon. « À qui ce chapeau ?» dit une jeune fille rieuse. Tancrède retourna la tête vivement, et il aperçut alors son chapeau sur une chaise à côté de lui. Il voulut le reprendre, mais l'attention était fixée sur ce malheureux chapeau. Il n'osa le faire disparaître en le remettant sur sa tête, car le chapeau était invisible lorsque Tancrède le portait. Mais loin de lui, le chapeau cessait de participer au merveilleux. Chacun alors pouvait l'admirer. « À qui le chapeau ?» cria un jeune étranger. « À personne, il n'y a personne ici. »« C'est l'accordeur de piano qui l'aura laissé ici ce matin, » dit quelqu'un en riant. « C'est le chapeau du coiffeur de Madame de D. Cachez-le donc, monsieur de Bonheur. » Et soudain, un élégant coup de pied fit tomber le chapeau sous la table. « Il est sauvé, » pensa Tancrède. Une rumeur se fit entendre dans le salon. « Voilà monsieur de Lamartine !» s'écria quelqu'un. « Non !» reprit une autre personne. « Lamartine est allé ce soir chez son président. Monsieur de... l'a vu chez Dupin. Il viendra tout à l'heure. Qu'est-ce qui arrive? C'est la duchesse de... la belle duchesse de... Je ne la connais pas. Allons la voir. » Chacun retourna dans le grand salon. « Puisque Lamartine n'est pas arrivé, pensa Tancrède, je puis encore rester ici. » Et il se remit au pillage. Un second billet se trouvait sur la table. Il était signé « Béranger ». Lequel? Il y a plusieurs Béranger. Le mot « prison », qui se trouvait dans les premières lignes de la lettre, ne laissait plus de doute. On voyait clairement que ce n'était pas le pair de France ni le conseiller à la cour de cassation qui l'avait écrite. Ce billet était aussi un billet d'excuse. Hélas, non, madame, ce n'est pas de la coquetterie que vous faites avec moi, c'est de la bonté. Vous m'avez fait autrefois passer de douces consolations à travers les barreaux de ma prison ou de mon cachot, comme nous disons, nous autres poètes. Aujourd'hui, vous prenez pitié d'un pauvre reclus volontaire, et vous voulez le rattacher à ce monde qui doit vous paraître si plein de bonheur, car il vous est reconnaissant. Malheureusement, madame, le reclus est souffrant, et son médecin lui défend le monde et ses émotions. Daignez agréer mes excuses et me plaindre un peu de la privation qui m'est imposée. Il y avait dans ce billet un ton de mélancolie qui fit rêver Tancrède. Il sourit d'un rapprochement dont il eut l'idée. « C'est un singulier hasard, pensa-t-il, qui me fait trouver une lettre si gaie du poète d'Atala et un billet si gracieusement triste du chantre de Lisette. » Et puis il réfléchit, et se rappelant la fameuse brochure de M. de Chateaubriand, publiée en 1834, et la belle chanson de Béranger, « Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu » Il se répondit que les génies bien organisés savent réunir les deux genres, la profondeur dans le sentiment et la légèreté dans l'esprit. Tout en réfléchissant ainsi, il copiait la lettre de Béranger. Il terminait à peine cette copie. Une grande agitation se manifesta dans les salons de Madame de D. Monsieur de Lamartine, arrivé depuis longtemps, avait consenti à dire quelques vers. Tancrède se précipita dans le salon pour l'entendre. Tancrède n'avait jamais vu M. de Lamartine. Il le reconnut entre tous. C'est ainsi qu'il l'avait rêvé. M. de Lamartine lut cet admirable chant de Jocelyne, ou plutôt la scène de la confession de l'évêque dans la prison de Grenoble. Car tout ce chant est une scène de drame et serait d'un effet superbe au théâtre. La foi de M. de Lamartine est pure et sonore. Il dit les vers d'une manière très simple, mais avec inspiration et dignité. Avec cette émotion profonde et voilée, d'autant plus puissante qu'elle est combattue, cette émotion contrainte, si communicative, qui semble se réfugier dans l'auditoire, parce que le poète la repousse. Chacun était ravi, transporté. Tancrède, enivré d'admiration, avait oublié où il était, qui il était, et la canne de M. de Balzac, et toutes les merveilles imaginables. La nécessité d'être invisible était bien loin de sa pensée. Il criait avec tout le monde, « C'est sublime, c'est la plus belle poésie qui ait jamais existé, c'est une inspiration divine, et toutes sortes de choses fort justes, que nous sommes loin de contester. » Mais, en disant tout cela, il levait les bras, il gesticulait, il applaudissait, et la canne devenait ce qu'elle voulait. Enfin, quand M. de Lamartine arriva à ces mots, « Un changement divin se fit dans tout mon être. » Quand je me relevais de terre, j'étais prêtre. Tancrède, s'étant avancé pour mieux voir le poète, que chacun allait remercier, s'aperçut que plusieurs personnes l'observaient lui-même et frémit. Une femme d'un âge respectable demandait son nom d'un air scandalisé. Le pauvre jeune étourdi se hâta de redevenir invisible, mais il fut longtemps avant de se remettre de son trouble. Avoir été vu si mal vêtu dans un monde si élégant, être resté dans un salon toute une soirée en redingote du matin avec son chapeau sur la tête, oh, honte ! C'était un homme déshonoré. L'admiration rend indiscret, on se croit des droits sur ce qu'on apprécie. Après ces beaux vers, on en désira d'autres. On tourmenta longtemps, monsieur de Lamartine. « Vous avez fait de nouveaux vers ? Demanda quelqu'un. « Oui, adressé à moi, dit un jeune poète avec fierté. « Oh, dites-les, s'écria-t-on. J'ai peur de ne pas me les rappeler. Commencez toujours, vous les chercherez. » Monsieur de Lamartine, qui était d'une complaisance extraordinaire ce soir-là, dit les vers suivants qu'il avait fait la veille. À Monsieur Léon Bruys Douilly. « Enfant de la même colline, abreuvé au même ruisseau, comme Denis sur l'aubépine, près du mien Dieu mit ton berceau. De nos toits voisins, les fumées se fondaient dans le même ciel, et de tes herbes parfumées, mes abeilles volaient le miel. Souvent je vis ta douce mère, de mes prés foulant le chemin, te mener comme un jeune frère, à moi tout petit par la main, et te soulevant vers ma lyre, sur ses bras qui tremblaient un peu, dans mes vers t'ont saigné à lire, enfant qui joue avec le feu, et je pensais par aventure, en contemplant cet or mouvant, de ta soyeuse chevelure, où ses baisers pleuvaient souvent. Charmant visage, enfance heureuse, sans prévoyance et sage oubli, que jamais la gloire ne creuse sur ce front blanc le moindre pli, que jamais son flambeau n'allume d'un feu sombre ses yeux si beaux, ainsi qu'une torche qui fume et se réfléchit dans les eaux, que jamais ses serres de proie n'éclaircissent avant le temps ses cheveux où ma main se noie, feuillage épais de tes printemps, que jamais cette main qui vibre dans ma poitrine à tout moment n'arrache à ton cœur une fibre comme une corde à l'instrument. Si quelque voix chante en son âme, que son écho mélodieux soit dans l'oreille d'une femme et sa gloire dans deux beaux yeux. Je partis, j'errai des années. Quand je revins au vert vallon chercher nos jeunesses fanées, je ne trouvais plus que ton nom. Le feu qui m'avait fait poète, jaloux de tes jours de repos, s'était abattu sur ta tête comme un aiglon sur deux troupeaux. L'astre naissant de ta carrière, sur ton front venait ondoyer, dardant des reflets de lumière qui te présageaient son foyer. Plein d'ivresse et d'inquiétude, en écoutant grandir ta voix, je repense à ta solitude, à ton enfance au fond des bois. Pleure ton fils, ô ma vallée, il sera ce que vaut trop tard, une heure à ton ombre écoulée, un rêve qu'on berce à l'écart. Le vol de la brise éphémère, au bruit de l'onde un pur sommeil, et ces voix de sœur et de mère qui nous appelaient au réveil. Chapitre 19. Une muse. Il y avait dans le salon de Madame de D une jeune personne que Tancrède avait remarquée, d'abord parce qu'elle était fort jolie, ensuite parce que l'extrême simplicité de sa toilette faisait contraste avec le luxe élégant des femmes qui l'entouraient. Cette jeune fille se nommait Clarisse Blandet. Elle avait 17 ans. Elle avait quitté Limoges, sa patrie, et était venue à Paris pour être poète, comme Petit Jean était venu d'Amiens pour être suisse. Sa mère, femme raisonnable et philosophe, s'était dit « Par le temps qui court, le métier de poète est un fort bon métier pour les femmes. Madame Valmore et Madame Tastu ont une célébrité qui ne nuit point à leur bonheur. Elles trouvent dans leur talent de nobles jouissances et de pures consolations. Mademoiselle G, qui faisait des vers comme ma fille, jouit dans le monde d'une position fort agréable. Mademoiselle Mercœur, qu'on plaignit beaucoup, recevait du gouvernement une pension de 1500 francs qui suffirait à ma fille et à moi. Je ne vois pas pourquoi Clarisse, qui est incontestablement poète, ne trouverait pas les mêmes avantages. Elle n'a point de fortune. Je la marierai difficilement. Tâchons de lui faire un sort par son talent. Et la sage mère avait fait ses paquets, avait dit adieu au rivage de la Vienne, avait retenu 3 places dans le coupé de la diligence, et les messageries de Limoges avaient amené dans la capitale une muse de plus, la 60e, je crois. Madame Blandet ne connaissait personne à Paris, et parfois elle se sentait effrayée de la hardiesse de son voyage, surtout lorsque ses compagnons de voiture lui faisaient d'indiscrètes questions. Elle s'en tirait par des mensonges. Comment avouer qu'elle allait dans ce chaos pour se faire connaître et chercher des admirateurs dans ce tourbillon d'inconnus où elle ne comptait pas un ami? Madame Blandet, pour tout introducteur dans ce monde nouveau, n'avait qu'une seule lettre de recommandation que le député de son arrondissement lui avait donnée pour un de ses collègues. Mais ce collègue était Monsieur de Lamartine. C'était beaucoup. Monsieur de Lamartine avait accueilli la jeune fille comme une espérance. Elle lui avait confié quelques vers qu'il avait vantés. Enfin, Madame de D, ancienne amie du grand poète, s'était chargée de faire connaître dans le monde littéraire la Corinne du Limousin. Clarisse était encore toute tremblante de l'attendrissement que lui avaient causé les vers de son protecteur, lorsque la maîtresse de la maison s'approcha d'elle et vint lui dire qu'on désirait l'entendre. « Après lui, » dit Clarisse avec une douce indignation. « Vous me l'avez promis ce matin, » reprit Madame de D. « Ne vous faites pas prier. » Clarisse prit la main que lui tendait Madame de D. et alla s'asseoir, à la place qu'elle lui désignait. Clarisse devint d'abord très rouge, parce que tout le monde la regardait. Et puis elle devint très pâle, parce qu'elle était émue, car ce qu'elle éprouvait était plutôt de l'émotion que de la timidité. La timidité déguise toujours une espèce de misère. Une timidité invincible naît d'un défaut. On ne se cache jamais sincèrement que lorsqu'on n'a pas intérêt à être vu. Madame de Lavallière aurait peut-être été Madame de Montespan si elle n'avait pas été boiteuse. L'orgueil de la beauté dans la nature. Le cheval se pose dès qu'il sent qu'on l'admire. L'éléphant lui-même n'est pas indifférent au succès. Et je ne vois pas pourquoi nous ne conviendrions pas, franchement, de ce petit sentiment de vanité que nous avons de commun avec l'éléphant. Clarisse tremblait, mais elle était brave. Elle n'avait pas d'assurance, mais elle avait du courage, et puis la conscience de ce qu'elle valait, peut-être. Elle commença. « Pourquoi troubler mes jours dans leur plus belle année ?»« Attends donc, ma fille, » dit une voix sortant d'un chapeau de province, couleur tourterelle, pavoisée de nœuds de rubans rouges et verts. « Dis donc le sujet, ces dames ne comprendront pas. » « La mère n'a pas une haute idée de notre intelligence, » dit une jeune femme. Madame Blandet continua. « Voici le sujet. Il y avait, aux environs de Limoges, un homme très respectable, qui venait nous voir souvent à Chanteloube. Il était cousin du président. Il avait épousé en première noce la nièce d'un procureur général. Lui-même, enfin, était directeur des contributions. Hilarité mystérieuse. Ma fille lui plut. Il me la fit demander en mariage par le sous-préfet lui-même. Je fis part de cette proposition à ma fille. Mais cette union disproportionnée l'effraya. Le prétendant avait 64 ans. La petite me demanda 3 jours pour réfléchir. Et au lieu de réfléchir, mademoiselle fit les vers qu'elle va avoir l'honneur de vous dire. « Cette femme parle fort bien en public, » dit l'un de nos grands orateurs. « Je n'ai pas écouté, » dit un autre. « Quel est le sujet ?»« Une jeune fille qui refuse en mariage un directeur des contributions. » »« C'est très poétique. Et pourquoi ? Ce refus est-il motivé ?» Nous allons le savoir, quelques défauts, quelques vices, quelques infirmités peut-être. « Ah, l'horreur !» s'écrièrent plusieurs femmes en riant. « Elle est fort jolie, la petite, » dit un jeune homme. « Elle a des yeux charmants. Chut, écoutez. »« Elle est ravissante, » pensait Tancrède. La jeune fille, qui avait souri gracieusement pendant le discours de sa mère, reprit alors d'une voix très douce. « Pourquoi troubler mes jours dans leur plus belle année, ma mère, en m'imposant un douloureux lien ?» Union de hasard, d'avance profanée, où le cœur n'est pour rien. La fortune à votre âge est un bonheur peut-être, mais au mien, ces faveurs sont des biens superflus. Dans nos jeux innocents, ces dons feraient-ils naître un sourire de plus? Voulez-vous donc cacher ma blonde chevelure sous des plis de velours, sous des bijoux pesants? Ma mère, vous voyez, cette blanche parure suffit à mes 15 ans. Je ne vais pas au bal pour être regardé. Défaite de l'orgueil, mon cœur n'est point jaloux. Je mettrai en pleurant une robe brodée, présent d'un vieil époux. La raison, dites-vous, veut que l'on me marie. Mais si jeune, faut-il m'immoler à sa loi? Dieu me dit d'espérer. Ah, pour l'âme qui prie, la raison, c'est la foi. Pourquoi me repousser de votre aile avant l'heure? Mon front, comme autrefois, est timide et serein. Je suis heureuse ici, ma mère. Quand je pleure, ce n'est pas de chagrin. Loin d'un monde agité, mes jours bénis s'écoulent sur un sort qui me plaît, d'où vient tant d'effroi. Vous dites qu'on se bat, que les trônes s'écroulent. Je ne le sais pas, moi. La douleur pour mon âme est encore un mystère. Mes lèvres du banquet n'ont goûté que le miel. Je ne vois que les fleurs et les fruits sur la terre. Que l'azur dans le ciel. J'ai placé ma demeure au-dessus de l'orage. J'entends le vent gémir, mais je ne le sens pas. je n'ai que la fraîcheur du torrent qui ravage les plaines d'ici bas. La rose des glaciers qu'un noir rocher protège, ainsi fleurissant crainte à l'abri des autans, et dans ces champs maudits, dans ces déserts de neige, trouve seul un printemps. Ainsi que dans ces vallons de misère profonde, dans ces champs d'égoïsme où rien ne peut germer, dans ce pays d'ingrats, dans ce désert du monde, je fleuris pour aimer. Je ne sais qu'un instinct me fait chérir la vie, quel parfum d'avenir me présage un beau sort, me dit, tu connaîtras la gloire sans envie et l'amour sans remords. Oui, je crois au bonheur, à ma brillante étoile, un ange protecteur me guide par la main, et j'irai jusqu'à Dieu sans déchirer mon voile aux ronces du chemin. Comme on croit au printemps que l'hiver nous envoie, comme au sein de la nuit, même on attend le four. Triste, je suis venu, triste, je sens venir une indicible joie, celle de vie d'amour. Celui qui doit m'aimer, celui que j'aime existe, invisible pour fou, hein, il enchante mes yeux, il m'apparaît charmant, hein, ma vie l'insiste comme un esprit des cieux, et je rougis de crainte à sa seule pensée, et commence sa présence, on me voit tressaillir, et comme s'il était là dans mes joies insensées, j'ai peur de me trahir, ce rêve de mon cœur n'est pas une chimère, il viendra, loin de moi, loin de lui, n'entraînez point mes pas, gardez-moi près de vous, oh, laisse-moi, ma mère, l'attendre dans tes bras. » Ces vers causèrent tant de plaisir qu'on en oublia la préface, d'abord avait fait rire. Clarisse était charmante en les disant, son regard s'inspirait, toute sa personne s'embellissait, cette harmonie de la beauté, de la jeunesse et de la poésie était un ensemble séduisant, et puis il y avait une conviction de bonheur dans toute son âme qui détournait la critique. La malveillance se sentait impuissante contre ce jeune cœur, si riche d'espérance, si bien armé en joie pour l'avenir. Clarisse obtint le plus brillant succès, elle sut plaire enfin. Savez-vous à qui elle ressemblait? Connaissez-vous mademoiselle Antonia Lambert, cette jeune personne dont la voix est si belle, qui chante avec inspiration, comme on voudrait dire les vers? Eh bien, c'est elle qui peut seule donner l'idée de Clarisse. Comme elle, Clarisse était grande et svelte. Elle avait les mêmes yeux bleus, les mêmes cheveux blonds, le même doux sourire, le même gracieux maintien, et dans les manières ce mélange de confiance et de modestie que donne l'union d'une extrême jeunesse et d'un grand talent. Si tout le monde était ravi, que ne dût pas éprouver Tancrède à qui ses vers semblaient s'adresser? Celui qui doit m'aimer, celui que j'aime existe. Invisible pour vous, il enchante mes yeux. Il y avait toute une destinée dans ce hasard. Il passa le reste de la soirée à observer Clarisse, et cette observation était dangereuse. On ne pouvait la connaître sans l'aimer. Clarisse avait beaucoup d'esprit, de finesse et de naïveté. On s'étonnait de sa simplicité. Elle n'est point pédante, disait-on. Et pourquoi l'aurait-elle été ? La pédanterie suppose un travail pénible. Elle sert à faire remarquer un talent qui a coûté. Un pédant est un homme qui a pâli sur une idée qui n'était même pas la sienne. Il veut qu'on lui sache gré de la peine qu'il s'est donnée. Le savant se souvient toujours de la science, mais le poète ne s'aperçoit pas de la poésie. Il ne cherche pas ses idées. Elles viennent d'elles-mêmes le trouver, et il les exprime pour se soulager. On fait des vers comme on aime, sans le savoir, sans le vouloir. Le poète rime ses rêves pour épancher son âme, sans prétention, sans demander qu'on l'admire. Comme l'homme qui aime fait un aveu pour exprimer ce qu'il éprouve, et jamais il n'est venu à l'idée de celui-ci de dire « J'ai très bien dit je t'aime aujourd'hui, je devais être bien séduisant. » Oui, le véritable poète est simple, comme la vérité. Il ne peut avoir de pédanterie. Le pédantisme vit de prétentions, et les prétentions sont incompatibles avec un talent involontaire. D'ailleurs, les poètes sont les grands seigneurs de l'intelligence. Pourquoi veut-on qu'ils aient, comme les pédants, des manières de parvenus? Chapitre 20. L'antre de la Sibylle. Madame Blandet et sa fille, voyant qu'il était déjà 1 heure du matin, se regardèrent avec anxiété. « Il faut songer à nous en aller, mon enfant, » dit la mère. « Marguerite va nous croire morte, » dit Clarisse. Et elles se dirigèrent vers la porte. Un valet de chambre vint à elle. « Qui faut-il appeler ? » demanda-t-il. Il s'imaginait qu'on allait lui répondre « Michel, lui, Simon, un nom de domestique quelconque, Michel Simon. » « Je désirerais une voiture de place, » dit Madame Blandet avec satisfaction, car c'était pour elle un grand luxe que de s'en aller ou en voiture. Elle était bien aise de le faire valoir. Tancred, qui avait suivi Clarisse, entendant ces mots, s'effraya de l'idée que ces pauvres femmes allaient se trouver, à 2 heures du matin, sans protecteur, exposées à toutes les intempéries d'un cocher de fiacre. Guidé par un zèle, déjà quelque peu tendre, il résolut de les escorter, invisibles, jusqu'à leur demeure. « Je saurai leur adresse, » pensa-t-il, « c'est toujours cela. » Le fiacre arriva. Madame Blandet monta la première. Quand ce fut le tour de Clarisse, Tancred invisible, se plaçant entre elle et le cocher, l'aida à franchir le pare-chepied, et ce fut sur son bras qu'elle s'appuya. Il eut soin aussi de préserver la blanche parure du contact de la roue, et fut récompensé de ses soins en entendant la jeune fille dire ces mots en s'asseyant dans la voiture. « Comme ils sont polis, les cochers de fiacre !» La voiture partit. Tancred la suivit d'abord des yeux, puis l'ardeur des coursiers s'étant ralentie, il se mit à leur pas. Et après un assez long voyage, arrivant en même temps que le fiacre et la muse, rue de la Bienfaisance où elle demeurait. « Allons, pensa Tancred, du courage, mieux vaut me désenchanter tout de suite. » Et il pénétra avec les deux femmes dans leur appartement. « Ah, vous voilà, mademoiselle !» cria une vieille servante. « Ah, mon Dieu, que j'ai eu peur ! Ah, mademoiselle, laissez-moi que je vous embrasse. »« Qu'est-ce que tu as donc, Marguerite ? Qu'est-ce donc qui t'est arrivé ?»« Rien, madame, mais à vous, comme j'étais inquiète. »« Vous vous êtes donc perdue ?»« Non, Marguerite, » dit Clarisse d'un air glorieux, « c'est la soirée qui a fini tard. »« C'était donc une noce ? Je te conterai cela. » « Dis-moi, y a-t-il encore du lait ? J'ai faim. »« Quoi, vous n'avez rien mangé ? Chez une comtesse ?»« Si, vraiment, il y avait des friandises excellentes, » dit Madame Blandet. Mais Clarisse a tout refusé. C'était superbe, le beau salon. Il y faisait une chaleur. Ce chapeau m'étouffait. Madame Blandet commençait à se déshabiller. Tancred, par discrétion, sortit. Alors, avec Marguerite qui allait chercher dans la petite cuisine ce qu'il y pouvait rester de provisions. Tancred profita de ce temps pour observer ce ménage, plus que modeste, et tout ce qu'il y voyait. Ce mélange de simplicité bourgeoise et de distinction naturelle lui plaisait. Marguerite eut affaire dans la chambre de Clarisse. Elle allait y chercher 2 cuillères d'argent, car la jeune muse était gardienne de toute l'argenterie de la maison, qui consistait en 6 couverts, une casserole et sa timbale de pension. Tancred, alors, s'amusa à étudier la petite chambre de Clarisse. Que vous dirais-je ? Il devint amoureux de cette chambre. Un lit très petit, très jeune, si l'on peut dire ainsi, et voilé de rideaux blancs, était situé au fond de la chambre. Près du lit était un joli guéridon en laque. Ce devait être un présent nouveau. Sa richesse contrastait avec le reste du mobilier. Auprès de la fenêtre était une espèce de bureau. Sur ce bureau, des livres, des dictionnaires anglais, des recueils de poésie, un panier à ouvrage, un vase plein de fleurs, et puis une boîte de bonbons. Au mur était attachée une petite bibliothèque. Tancred l'examina rapidement. C'étaient tous des livres dépareillés. Il ne put s'empêcher de rire. Sur la cheminée était une petite montre, un chapelet, une bourse légère et un flacon. Tancred observait tout avec plaisir, et cependant avec une malveillance volontaire. « Je veux la connaître, » se disait-il. « Je veux me désenchanter tout de suite. Clarisse me plaît trop. Je ne la quitterai point que je ne l'aime plus. » Et le souvenir de Malvina le fit amèrement soupirer. Marguerite ayant terminé ses recherches dans l'armoire, retourna dans la chambre de Madame Blandet. Madame Blandet était occupée à relever le feu. Clarisse préparait une petite place sur la cheminée pour poser son frugal souper. La mère avait passé une robe de chambre de couleur sombre. La jeune fille avait changé sa robe de mousseline contre un long peignoir de percaline bleue. Elle était charmante ainsi. Tancred la trouvait bien plus jolie dans ce négligé tout à fait en harmonie avec son costume à lui, qui n'était nullement cérémonieux. « V'là du lait, mamselle, » dit Marguerite. « Et puis du pain. »« Ah, c'est bien, mets ça là. En veux-tu, maman ?»« Non, vraiment, je ne bois de lait à Paris que lorsque j'y suis forcé. »« Quelle différence avec le lait de nos prairies ?»« Ah, Paris, le lait est détestable. »« Il est falsifié. »« Non, maman, celui-ci est excellent. D'abord, j'ai faim. » Clarisse goûta le lait, puis elle se leva pour aller chercher du sucre. Pendant ce temps, l'invisible amoureux, tombant dans ce lieu commun des amours, voulut toucher de ses lèvres la coupe qu'une bouche adorée venait de presser. Il prit la tasse de Clarisse. Mais, soit distraction, soit réel appétit, il but beaucoup plus de lait qu'il n'avait intention d'en boire. Il remit la tasse en tremblant. Clarisse revint, et voyant sa coupe à moitié vide, « Qu'est-ce qu'a bu mon lait ? » cria-t-elle comme une pensionnaire. « C'est toi, » répondit sa mère en riant. « Moi, j'ai à peine goûté. J'en suis sûr, quelqu'un a bu mon lait. C'est un mystère. Il y a peut-être un chat ici. »« Non, » dit Madame Blandet, « c'est ton être invisible, tu sais. »« Sérieusement, on a bu mon lait. »« C'est toi-même, étourdi, je t'ai vu, tu es folle. Tu ne penses jamais à ce que tu fais. Allons, dépêche-toi de souper, il est tard. Marguerite a sommeil. » »« Marguerite dort déjà. Je l'ai envoyée se coucher. » Alors Clarisse s'assit auprès du feu et se mit à tremper du pain dans le peu de lait que Tancrède lui avait laissé. « C'est très amusant, le grand monde, » disait Madame Blandet. « Moi, j'aime Paris, le séjour de Paris me convient. C'est dommage que tout y coûte si cher. Sais-tu que depuis 3 mois que nous sommes ici, nous avons déjà dépensé 400 francs ?»« 400 francs ?» répéta Clarisse avec étonnement. « C'est beaucoup. C'est énorme. C'est la rançon d'un roi. » Mais cet argent ne sera point perdu si tu as des succès et si tu le fais connaître. Cette soirée a déjà réussi. Ai-je bien dit mes vers, maman ? Demanda Clarisse. Oui, très bien, seulement tu ne parles pas assez fort. Dans l'autre salon, on ne t'entendait pas. Ah, tant pis pour ceux qui y étaient. Je ne peux pas crier, moi. Et puis j'avais peur, il y avait là des petites femmes très méchantes. L'une d'elles s'est moquée de mes souliers noirs. J'ai entendu ce qu'elle disait. Une autre a repris pour m'excuser. Elle est depuis si peu de temps à Paris. Elle doit être bonne, celle qui a dit cela. Le comte de D est un bien bel homme, dit Madame Blandet. Oui, mais il ne me plaît pas. J'aime mieux Monsieur de Lamartine. Oh, quelle jolie figure! Tancrède allait être jaloux quand elle ajouta. Ah, mais il y avait là un beau jeune homme, l'as-tu vu? Non. Tu ne l'as pas vu? Il était bien remarquable, cependant, car il avait son chapeau sur sa tête. Ce qui m'a paru singulier. Tu es folle, ma fille. Un jeune homme ne se serait pas permis de garder son chapeau dans le salon de Madame de D. Je l'ai vu. Peu de moments, à la vérité. Mais je l'ai vu avec son chapeau sur sa tête. Peut-être avait-il demandé la permission de le garder, dit Clarisse en riant, comme ce vieux monsieur de livret qui avait toujours trop chaud et qui entrait en disant « Vous permettez, madame ?» Cela voulait dire qu'il n'ôterait point sa casquette. « Enfant !» dit Madame Blandet. Je t'assure, maman, que j'ai vu chez Madame de D un jeune homme qui avait son chapeau sur sa tête, que ce jeune homme m'a beaucoup regardé, et que jamais de ma vie je n'ai vu de si beaux yeux. Il avait un regard qu'on retient, qu'on emporte. Jamais je n'oublierai ces yeux-là. Je les vois toujours. Tancred ne put résister à une invincible tentation. Il était en face de Clarisse, derrière le fauteuil de Madame Blandet. Il prit rapidement sa canne dans sa main droite. Il fut visible. Clarisse jeta un cri, mais déjà la canne était revenue dans la main gauche et Tancred avait disparu. « Qu'est-ce que tu as donc, ma fille ?»« Rien, maman, » dit la jeune fille toute tremblante. « Mais tu es pâle. Il m'a semblé que je voyais encore. Qui ?»« Ce jeune homme. Tu as des visions aujourd'hui. Te voilà comme lorsque tu étais petite. Tu nous parlais toujours d'apparitions, de religieuses qui venaient s'asseoir auprès de ton lit. Tu es encore la même. Tout à l'heure, tu disais qu'on avait bu ton lait, et c'est toi qui l'as bu. Maintenant, tu vois des jeunes gens dans ma chambre. » Et Madame Blandet leva les yeux au ciel en souriant. « Eh bien, soit, » reprit Clarisse gaiement. « Moi aussi, j'ai des... Comment dit-on cela ? Des visions, des apparitions. » Non, ce n'est pas là le mot à la mode. Il est plus long que cela. Des hallucinations. Donc, il est décidé que j'ai des hallucinations. Bonsoir, maman. En disant cela, Clarisse vint embrasser sa mère. Bonsoir, ma fille, répondit Madame Blandet. Et poursuivant la plaisanterie, si tu trouves ton beau jeune homme dans ta chambre, tu m'appelleras. Oui, maman. Et Clarisse alla se coucher.